5h du mat, la fête est finie. Pose ton verre d'ice qui pêche. Rap R&B, Amélie Ben, DRZ et les autres pour vous servir. Ouais. Ambiance chaleureuse, l'album touche à sa fin. Restez sur votre faim, on part du coin, frites merguez. Cet album est dédicacé au petit Maximilien et tous les disparus de la France en passant par la Sicile. Les personnes qui m'ont aidé de loin ou de près, tous les êtres chers que j'adore et Dieu qui assure mon éveil. Ouais.